MEV dans vos oreilles. Semaine 17. Nous sommes le 9 octobre 2019. Et nous sommes arrivés à Vladivostok hier. Oui. En temps et en heure, hein. La ponctualité des trains, y a même quand on a eu, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de retard au Kazakhstan, je crois. Au départ. Quand, au départ. Ouais. Mais ils rattrapent les retards et ils sont vraiment à l'heure, quoi. Ah oui, les arrêts, c'est pile poil, ça s'arrête à l'heure qui est marquée sur la feuille, ça repart à l'heure qui est marquée sur la feuille, quoi. T'as pas intérêt à avoir une minute de retard, toi, parce que par cent, toi, sinon. Vladivostok, déjà, super jolie gare. Enfin, toujours un peu Disney, enfin encore plus Disneyland. Encore vraiment... plus Disney, mais alors c'est rigolo parce que tu vois, mais genre instantanément quand tu sors de la gare, que tu te retrouves à un carrefour avec l'Asie. Enfin, en gros, tu vois que t'es à la frontière entre la Chine, la Corée, le Japon, quoi, hein, on va dire. Parce que quand tu sors, bah, tout est écrit genre et en russe et en... Bah on sait pas en quoi du coup. Bah, c'est en coréen ou... Il y a du coréen, je crois, et du chinois, parce que vraiment, on est... Bah, à la frontière quasiment de ces deux pays. Les enseignes des magasins aussi. Il y a énormément de magasins qui sont spécialisés, je pense, dans les trucs asiatiques. Il y a de la bouffe, des objets, des trucs comme ça. Je pense qu'une personne sur deux, allez, peut-être sur trois, est asiatique. Dans les rues. Enfin, oui, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de touristes... Qui doivent être... Il y a un peu de tout, je pense, parce que vu qu'il y a des connexions avec le Japon aussi, c'est pas très loin, c'est de l'autre côté de la mer. Non, et puis quand tu vois géographiquement, c'est vrai que c'est à la limite presque plus proche de la Chine et de la Corée que de la Russie. Enfin, c'est vraiment un petit bras qui sort du continent et qui est du coup entre les trois environnements, quoi. Enfin... Ah oui, je pense que c'est... Stratégiquement, économiquement, c'est un pôle, à mon avis, très important. Bah, on a l'impression, en tout cas, que c'est prospère, parce que de ce que tu vois des magasins, des restaurants, des trucs comme ça, ça a l'air... Moi, je m'attendais à une ville un peu sinistre, avec des docks et des trucs comme ça, enfin, pas hyper ni agréable ni très jolie, enfin, un port, quoi, enfin, tu vois, un peu port maritime, voilà. Oui, non, mais moi, c'est pareil, hein. Je sais pas. J'avais jamais vu de photos ou autre de Vladivostok et vraiment je me suis dit, vu que c'est au fond de la Russie, et c'est con en fait parce que ça aurait pas de sens que ce soit une ville triste quoi en fait. Et t'arrives et en fait c'est beau déjà, enfin il y a des beaux immeubles. Non mais sans être triste, ça pourrait être une ville juste industrielle tu vois, et portuaire, et pas du coup... très agréable à vivre parce que les gens qui travaillent tu vois sont juste des gens qui enfin oui, qui vivent sont des gens qui travaillent c'est ce que je disais triste parce que c'est pour un endroit à visiter à vivre c'est pas hyper plaisant. Je connais pas trop de villes dans ce cas-là donc je sais pas que c'est difficile de comparer de ce qu'on a en tête enfin oui j'arrive pas à trouver d'endroit en France qui pour oui ou ailleurs bah, ouais non même pas Rotterdam c'était comment bon, j'ai un bon souvenir de Rotterdam, ouais, c'est plutôt moderne, je crois. Okay. Enfin, une architecture assez moderne qui se mélange à l'ensemble. Mais bon. Donc oui, on a été surpris. Ouais. Et puis, enfin voilà, des beaux immeubles colorés, tu vois vraiment la Russie typique. Et en même temps, c'est moderne, il y a pas mal de street art. C'est très bobo, il y a plein de cafés bobo, Après, on est dans occidental, le comment il appelle ça, genre le square, vraiment dans le centre. Il y a un espèce de petit carré, enfin rectangle un peu comme un domino qui est traversé par une avenue. Donc et on est dans ce carré là, enfin dans ce rectangle là, et on n'a pas bougé quoi. Quand on est allé dîner hier soir là, quand on petit déjeune, donc du coup c'est vrai qu'on est dans le quartier le plus sympa, je pense, de Vladivostok. Mais même quand on est sorti de la gare, qui est collé au port, quoi. Oui. Même le quartier du port, tu vois, c'est pas. C'est pas vilain, quoi. Donc, ouais, on était. Bah, si j'avais su. Bon, de toute façon, on avait qu'un visa de transit qui pouvait pas dépasser beaucoup plus de 10 jours, donc on a eu 8. Voilà, mais au pire, on a un peu. Moi, j'aimerais faire un jour le transsibérien, mais tu sais, en de bout en bout, et en s'arrêtant de temps en temps pour visiter. Et c'est vrai que je pense que Vladivostok vaut le coup de rester peut-être 2-3 jours, quoi. Là, bah, du coup, on reste moins de 24 heures. Hein, c'est... Ah bah nous c'est une étape quoi, on y dort et on s'en va. Donc, mais bon, je suis contente d'avoir vu ça parce que du coup ça nous ouvre de nouveaux horizons. Mmh. On prend le bateau bientôt. Ouais, on prend le bateau. On avait un peu peur hier parce que quand on est arrivé il faisait plutôt beau, ça allait, mais quand on est ressorti pour dîner il y avait du vent, de la pluie, la mer était un peu agitée, on s'est dit oh là là là là. Ah, il y avait des belles vagues qui s'écrasaient, c'était assez joli en même temps parce qu'il y avait le coucher de soleil. Parce que du coup le petit bras de... alors c'est pas toute la ville mais le bras où on est entouré du coup de la mer... des deux côtés, quoi. Enfin, c'est vraiment une petite... pas une presqu'île, parce que ça ressemble pas à une presqu'île. Enfin, c'est entouré de mer des deux côtés. Ouais. Et c'est très étroit, quand même, globalement. Donc, tu vois facilement la mer des deux côtés, et c'est assez joli. Et quand on est arrivé en train, d'ailleurs, on longeait la mer du Japon. Tout à fait. On s'approche. On n'est plus très loin. Petite étape par la Corée du Sud. Ouais, enfin, étape sans être une étape, parce que notre bateau va s'arrêter, mais je sais tout, hein. Ce qui va se passer normalement, enfin j'espère. Ça non, va, de toute façon on n'a pas besoin de visa donc on se fiche au pire. On s'est fait une petite frayeur. Enfin on se fait une petite frayeur. Parce que normalement, t'as donc 90 jours pour rester au Japon sans visa quand tu es français. Et enfin, tu peux rester le maximum 90 jours. Mais il est spécifié que tu dois pouvoir prouver ton billet de sortie si on te le demande. Et sur le site de la diplomatie française, il est marqué que récemment, des Français se sont fait refouler parce qu'ils n'avaient pas de billet de sortie. Donc nous, on comptait très bien faire comme ça. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester, parce que... comme d'habitude, quoi, on fait ça un peu... Parce qu'on est citoyens de la Terre, bon sang. Enfin, vraiment, les gars, vous n'y pouvez rien, hein, ceux qui écoutent ce podcast, mais c'est insupportable, en fait. Enfin... ces frontières, là, c'est tellement compliqué et tout. Enfin, alors que... ça pourrait être tellement simple, la vie, enfin bon. Bon. Et donc, du coup, on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend un billet? Est-ce qu'on loue un billet? Parce que c'est possible de louer des billets, trucs comme ça, là, pour quelques temps, le temps juste de leur prouver qu'on a un billet de sortie et de l'annuler quand on arrive au Japon. Est-ce qu'on prend un billet de ferry ou d'avion, on sait pas trop, avec une option modification-annulation pour pouvoir le modifier et choisir la bonne date quand on saura. On est un peu perdu, sachant qu'il faut qu'on se décide dans les 2 heures, puisqu'on part dans 2 heures. Voilà. Tu finis ton latte et puis on... Ah, ton latte qui était avec. Oh punaise. Non mais ça... Il n'y a rien d'hôtel pour me rendre grognon, alors que j'avais passé une si bonne nuit. Est-ce qu'on le dit quand même qu'on a dormi dans un lit, dans un vrai lit du coup? Oui. Ensemble, pour la première fois depuis... un mois et demi, je pense, quasiment. Ah ouais. Parce que là, on est toujours dans des lits séparés, soit en dortoir, soit... Et donc, du coup, un grand lit où tu peux t'étaler, quoi. Et bah, c'était bien, hein. Ouais, c'était pas J'ai mal. J'ai tellement bien dormi. Ouais. Sans bruit, sans rien. Fin... Bah oui, mais on était presque perturbés de ne pas avoir de bruit de fond, quoi. C'était trop calme. On avait du mal à s'endormir parce que, justement, on n'avait ni de bercement du train, ni de bruit. C'était un peu bizarre. Bon bref, et donc du coup, je suis hyper bonne humeur, j'ai bien dormi, machin et tout ça, et pam, j'arrive et on me fout une paille dans mon latte, quoi. Une paille en plastique? Bah évidemment, la question se pose même pas, sinon je râlerais pas. Non mais, en fait, c'est juste les gars, enfin, ceux qui potentiellement nous écoutent et tiennent ce genre d'endroit, et qui mettent des pailles dans leur latte, pourquoi? Est-ce que tu dans mettrais une... Enfin, dans les lattes qui servent, quoi. Parce que les gens qui nous écoutent et qui ont mis des pailles dans notre latte jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui nous écoute et qui a mis des pailles dans notre latte, je pense. Pourquoi est-ce que tu mets des pailles dans un latte et pas dans un cappuccino, par exemple? Enfin, ça n'a aucun sens, mais vraiment, enfin... Ça me... Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai plus rien de droit de boire, quoi, en fait. Donc, je peux pas... Déjà, je m'empêche de commander des trucs, genre des limonades, des milkshakes, des smoothies, des trucs comme ça. Parce que, genre, je sais que c'est, genre... Même si tu expliques aux gens, globalement, t'as une chance sur 5, je suis gentille, peut-être, qui comprennent qu'il faut pas de paille. Donc, je prends pas ce risque-là. Mais dans le latte, on a quand même beaucoup moins de chance. Donc, mais c'est quand même... ça reste fréquent. C'est beaucoup trop fréquent. Donc du coup, ça m'a rendu très grognon ce matin, alors j'ai une hyper bonne humeur, et qu'en plus il fait très très beau, et que dans 2 jours on est au Japon, et que c'est merveilleux, la vie. Mais bon... Ouais, mon omelette est pas bonne, alors ça me rend grognon aussi. Alors moi j'ai pris un gâteau au chocolat, très bon. Ce petit déjeuner est un échec pour moi. Heureusement, le lieu est cool. Mais... En plus, il n'y a pas de wifi. Ah oui, parce qu'on était allé pour travailler et il n'y a pas de wifi. Ça aussi. On en parle ou pas? C'est un scandale. Bon, je sais pas trop si vous nous entendrez bien parce qu'il y a la musique un peu fort derrière. On est dans le bateau. Oui. Ça y est, on a embarqué. On a eu du mal à trouver l'entrée et tout ça. On est passé par 800 contrôles de sécurité, machin, mais c'était plutôt facile. On a un petit chien qui nous a reniflé le sac et a failli manger mon passeport. Ouais, un gros chien quand même. Il était trop mignon. Il avait l'air un peu vieux. Ah ouais? Ouais, je pense que... Mais... Oui, il a voulu manger ton passeport. C'est bien un truc que j'aimerais pas qu'il mange, c'est quand même mon passeport. Donc là, nous sommes dans un gros bateau, bien sûr, qui va... Polluer sa certainement race. bien polluer, hein, parce que quand déjà il est hacké, bon, bah, forcément, ça... Tout qui tourne. Donc dans notre chambre, c'est un dortoir de 6 lits. 4. 8. On ne sait pas compter. Ah, ouais, ouais. Donc ça, bah, ça nous change pas trop de d'habitude. C'est juste qu'il fait très très chaud et qu'il n'y a pas de fenêtre et que la climatisation a l'air... C'est plutôt une ventilation qu'une climatisation, je pense. Oui, mais ça, on a pris une classe économie. Hein. On n'a pas pris... Il y a des suites royales. Présidentielles, même. Okay. On vient de craquer notre PEL. Puis t'as toute la nourriture là-dedans, tout l'animal quoi, tous les animaux. Là j'ai arrêté de dire Spasiba parce qu'en fait je ne sais pas si ce sont des Coréens ou des Japonais. Je pense que ce sont des Coréens. Donc il y a plusieurs interrogations, c'est est-ce que, vu qu'on fait une escale en Corée, est-ce qu'on va être débarqué et ensuite réembarqué dans un autre bateau ou pas? Sachant qu'on a un boarding pass quoi, qui fait... Ah non mais notre boarding pass il fait Vladivostok, donc... Ah oui. Mais il nous a pris le mauvais boarding pass d'ailleurs. C'est quoi ce bordel? Le mec nous a pris le boarding pass qui fait Donghae Sakai Minato. Il nous a laissé celui qui fait Vladivostok Donghae, donc on est un petit peu mal barré. Toujours est-il que pour une théière de thé au gingembre, une petite théière. Une miniature théière. Des petites. Vraiment. Et donc une assiette composée parce que enfin il y a forcément de la viande. Hein. Il n'y avait rien à bouffer. Il y avait aussi, je crois, une espèce de soupe d'insectes. Je sais pas, oui, ça gros. C'était des trucs bizarres. Non, j'ai. Oh. Ça avait l'air pas très appétissant. On a pour 12 balles, quoi. Donc, c'est, bien sûr, c'est forcément très cher. Il y a plein de trucs de duty free. Enfin, et, comble du comble, tu n'as pas de prise électrique. Tu ne peux pas utiliser de prise électrique. Il faut que tu demandes au guichet d'information. Et c'est $1 pour recharger ton téléphone. Donc, c'est vraiment... C'est pousser la consommation au max. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait, c'est un peu fou. C'est qu'a priori, il y a... Enfin, t'as tout le confort, tout un tas de trucs qui servent à rien, un dentiste, un machin, un eye clinic, enfin un clinic pour les yeux et tout. Mais il n'y a pas de wifi, enfin même pas non. De zone pour le wifi, tu vois, genre... Alors qu'il pourrait y avoir pas que du wifi partout. En pleine mer, ouais. Ça me... Je comprends que tu reçoives pas de wifi, enfin tu vois... Non mais... Ah, je pense que ce serait possible. Et surtout, ouais, pas de prise électrique, quoi. Ce serait possible si t'avais vraiment un capteur GPS, enfin tu vois, un capteur satellite. Écoute, je sais pas, c'est juste que moi je suis trop dégoûtée de pas avoir de prise électrique parce que je voulais faire tout un tas de trucs avec mon petit ordinateur. Ouais, bah. Et au final, on était plus confortable dans le transsibérien. Ouais, non, mais c'est ça. Oh, bah oui, bah, on en revient toujours à la même chose. Le train, c'est merveilleux. C'est la vie. Et j'aurais bien utilisé le wifi là, tu vois, le temps qu'on attende, quand on va être à Donghae, qu'on va attendre. Enfin voilà. On verra. Ah là là, pas capable de se déconnecter. Il y a un karaoké. Ouais. Il y a un nightclub, non, mais quand même. Les prises électriques, quoi. Alors, on n'a pas parlé du sapin de Noël. Nous sommes le 9 octobre. Il y a un sapin de Noël avec des cadeaux, et tu peux faire une photo. Voilà. Ah bah là, ça, c'est encore... c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Voilà. Je sais pas ce que je préférais, quoi. Donc là, Vincent va manger de la saucisse. De knacky. Du thon en boîte. Voilà. Tout ça pour 12 balles, hein, je vous rappelle. Je sais pas par quoi commencer. Et peut-être le concombre, tiens. Je suis sûre que c'est ça qui va te rendre malade. Peut-être. Ah oui, je veux. Non, on n'a pas dit qu'aujourd'hui, là, la mer est calme. Hein. Il n'y a pas de vent, enfin, pas trop de vent. Non, il y a un ciel bleu. Bon, il y a quand même un typhon qui arrive sur le Japon. Ah oui. Mais bon, on peut rien y faire, hein, donc... Bah, On va juste pas aller au bord de la mer tout de suite, quoi. On va... du côté, côté océan oui. Pacifique, quoi. Voilà, du côté de Tokyo. Nous, on va a priori, si on change pas nos plans et que ça arrive à fonctionner, quand on arrive vendredi, on prend le train pour aller à Kyoto. Et on reste à Kyoto un petit moment, je pense, déjà pour se poser quelques temps. Parce qu'en fait, là, je me serais bien posé un peu plus longtemps à Vladivostok. Parce qu'on est quand même en mouvement depuis plus d'une semaine où on n'a pas pu vraiment se poser, quoi. Mouvement perpétuel. Voilà. Ça nous ferait du bien de nous poser, de faire... faire lessive, quoi, des trucs comme ça, des petits, hein, petits broutilles. Et puis surtout s'intéresser à ce qu'on va faire de, notre, de nos fesses. Parce que, ah bah oui. Voilà. Et puis aussi prendre le temps de s'acclimater un petit peu quand même au Japon. Parce que je vous rappelle que notre objectif, c'est quand même de voyager lentement pour justement avoir le temps de rentrer dans la culture et tout ça, sans que ce soit un choc. Et au final, là, ça va être un peu un choc. Bah non, c'est un peu comme si on prenait l'avion. On a le bateau pour la transition, hein. Oui, bah alors là, c'est un melting pot de rien et de tout, quoi. Oui, il y a un sauna, même. Il y avait plein de cyclistes qui embarquaient. Ah ouais, mais c'était impressionnant. Il va y avoir une chose spéciale. Donc oui, on va essayer de se poser un peu à Kyoto. Bon, le Japon est réputé pour être cher, mais on a un petit peu regardé sur Internet. Si on reste longtemps à Kyoto, on peut peut-être se prendre un petit Airbnb. Et donc du coup, c'est pas si cher que ça. Et comme ça, ça nous permet de... d'avoir un peu d'intimité, de se poser, voilà. Peut-être on sera un peu à l'écart de la ville, on prendra les transports pour se déplacer, on va voir un peu. Plus d'avance un petit peu sur, sur les documentaires et tout ça, quoi. Oui, oui, mais là, on est complètement à l'arrache. Ça fait du bien de se déconnecter, ça a fait du bien dans le transsibérien. Ouais. Mais là, du coup, j'aimerais bien me connecter. Ça y est, j'ai besoin de me connecter au monde. Et puis, bah, peut-être pour attendre Nam, à Kyoto, qui l'eût cru. De toute façon, Nam, il nous écoute pas, donc... Et t'as dit qu'il nous écoutait pas ? J'en sais rien, je le connais. Je le connais. Alors oui, tout compte fait pour cette histoire de billet de sortie. On a décidé, on avait plusieurs possibilités du coup de louer un billet ou d'en acheter un. Sachant que c'était, si on voulait prendre une assurance modification, enfin pas une assurance mais une option de pouvoir modifier nos dates, c'était 70€ par personne. Ce qui était quand même pas donné. Du coup on a pris l'option de louer une réservation de billets. Sachant que c'est pas fiable à 100%, mais bon, a priori ça fonctionne plutôt bien pour passer la frontière. Mais on l'a pas encore reçu parce qu'il faut entre 30 minutes et 12 heures pour le recevoir. Donc on sera en mer quand on va le recevoir. Donc j'espère que s'il nous demande quelque chose, on pourra se connecter au wifi pour le récupérer. Et surtout que ça passera. Parce que c'est vrai que ça me faisait un peu chier de dépenser 1600€ pour prendre un billet que ça se trouve dans 2 mois on aura complètement changé nos plans et en fait c'est même pas une modification de date qu'il faudrait faire, c'est une modification juste de destination et de tout. Donc bon voilà, on verra ce que ça donne. Sinon non, c'est possible de faire Japon Nouvelle-Zélande directement, donc peut-être que c'est ce qu'on va faire en avion. Peut-être ce sera le plus à la fois économique et écologique, parce que prendre l'avion plutôt que de faire toute une traversée un peu rushée, aller vite, descendre l'Asie du Sud-Est, tu vois. Ça nous obligerait à prendre 2 avions, donc entre l'Indonésie par exemple et l'Australie, et entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et ensuite entre et un ferry entre le Japon et la Corée du Sud ou la Chine. Bah même pas, oui, entre la... Oui, il y aurait toujours l'histoire du ferry. Ouais. Enfin, il faudrait prendre soit 2 ferries et 2 avions, soit un ferry directement en Chine, mais il faudrait demander un visa chinois, du coup, au Japon. Et ensuite, prendre le train ou le bus, qui dans tous les cas reste quand même un peu polluant, parce que c'est bien sûr pas des trains électriques qui sont aux énergies renouvelables, hein, pas des trains solaires. Donc, on se dit que d'un point de vue environnemental, ça a peut-être plus de sens de se faire un Tokyo-Auckland directement en avion, plutôt que de se faire 2 ferries, du train plus 2 avions. Bon, d'ailleurs, c'est même sûr. Enfin, on n'a pas fait le calcul, mais ça paraîtrait assez logique. Voilà. Et du coup, on ferait la Nouvelle-Zélande, ensuite l'Australie, et ensuite on remonterait l'Asie du Sud-Est tranquillement, sans se presser. Et potentiellement, du coup, je veux dire, on n'aurait pas besoin d'aller en Chine. Bah, sauf si on veut aller au Tibet. Ouais, ouais. Mais sinon, on n'est pas obligé d'aller en Chine. Mais pour le Népal aussi, hein, je pense. Bah non, tu y a une frontière avec l'Inde. Ok. Bon, après, il y aurait le fait qu'il faille aller en Chine pour retourner en Asie centrale, potentiellement. Donc, voilà. On verra à ce moment-là si déjà c'est facile d'obtenir un visa. Depuis le Népal. Chinois. Bah, apparemment, ça se fait, mais bon, je sais pas trop. Avec ces Chinois, on sait jamais trop. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, non, c'est pas. Ils sont relous, quoi. Enfin, l'État, hein, je parle pas des gens. Bien sûr. Non, mais l'État chinois, ils ont pas envie qu'on vienne les voir, en fait. Ils ont pas envie qu'on. Je pense que c'est ça. Hein, bah, du coup, ça donne pas envie d'aller les voir. Enfin, franchement, moi, ça me. J'aurais non, mais... bien été découvrir un peu la Chine autre que Pékin, Shanghai. Hein. Juste vraiment l'intérieur des terres. C'est que les gens, après. Tu vois, on peut-être pas tous forcément cette mentalité et ça leur porte préjudice quoi si y en a qui vivent du tourisme et tout ça et... On a vu dans le dernier vu ou l'avant-dernier vu ou j'en sais rien tu sais les gens qui chantaient allégeance à l'État chinois ah oui. Des touristes là, bah, pas des touristes des gens du tourisme c'était marqué genre moi c'était je sais pas des gens d'office de tourisme ou des hôtesses de l'air ou vas-y c'était une espèce d'uniforme et marqué touriste ou je sais pas quoi qui chantait que la Chine était merveilleuse et tout ça. Oui, et puis il y avait aussi la démonstration de force sur la place Tiananmen. Voilà, donc on n'est pas encore tout à fait fixé. On espère juste que déjà on va pouvoir poser un pied sur le sol japonais. Et puis on en reparle ensuite. Voilà. Moi, du coup, je me demande si on débarque en Corée. On n'a pas besoin de visa pour la Corée ? Non. Au pire, du coup. On a 30... jours, je crois. Ok. Sans visa en Corée du Sud, bien sûr. Ah oui, ça allait de soi. Non, franchement, les visas, les pays où t'as pas besoin de visa, enfin, c'est quand même, c'est quand même chouette, quoi. Bah oui. Disons-le. Enfin bon, souvent que tu prouves que t'es un billet de sortie avec toi. Bah ici, oui, c'est le cas. Mais par exemple, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, enfin, toute l'Asie centrale, il y avait pas besoin. En Europe de l'Est non plus, enfin très à l'Est. Et je crois qu'en Amérique du Sud, t'as pas besoin non plus hein, de prouver de... que t'as. Parce que t'as pas besoin de visa pendant 90 jours dans chaque pays d'Amérique du Sud. Et je crois pas que t'aies besoin de billets de sortie. Je sais plus exactement. Mais... En fait, le seul truc, c'est que c'est assez facile d'obtenir un billet de sortie. Bon, alors, ce qui est toujours sûr, c'est que là, on a dû payer 40 balles pour au final. Rien, enfin juste prouver un truc, en plus c'est pas un vrai billet, enfin moi je suis pas très confortable avec tout ça et c'est toujours 40€ que j'aurais préféré mettre ailleurs, hein, clairement. Donc c'est assez facile de prouver un billet de sortie, mais c'est juste qu'il faut s'y prendre à l'avance et que nous on est toujours à l'arche. Oui, bah c'est vrai que c'est un peu chiant d'être obligé voilà, de prévoir autant, alors que ce qu'on aime c'est faire un peu tout au dernier moment et improviser quoi. Déjà, pour demander le visa russe, je trouvais ça chiant, quoi, de devoir tout acheter à l'avance, machin, et tout, enfin... Voilà. Ça casse un peu notre dynamique d'improvisation. Mais bon, au Japon, ça va être l'improvisation totale, puisque comme on n'a encore rien décidé... Bon, on est un peu fixé déjà pour Kyoto, c'est déjà pas mal. Bah, faut qu'on y arrive, et puis ensuite, il faut qu'on ait un logement. Parce que là, du coup, on n'a pas d'internet, et on n'a pas de réservé de trucs, quoi. Oui, parce que comme on n'avait pas internet ce matin au petit déjeuner, ça nous a un petit peu retardé. Comme quoi, hein, internet c'est sympa. Parce que on pourrait très bien dire si tu vas à un hôtel, à une auberge de jeunesse, tu vas directement sur le lieu en fonction du guide, parce qu'on a quand même deux guides du Japon. Mais si tu passes par Airbnb, t'as pas trop le choix de passer par la plateforme. Tu peux pas taper à la porte du mec pour lui dire coucou. Donc bon. On est quel jour ? Je sais pas quel jour. Le 10 octobre. Joyeux anniversaire, Jérôme ! Joyeux anniversaire, Jérôme. Bah, on est sur le bateau, hein, toujours. Hein. Ouais. On va parler d'hier un peu, quand même, qu'on faisait pas trop les fiers. Oh là là, oui. Ça tanguait un peu. On sait pas trop ce qui s'est passé, parce qu'au final, aujourd'hui, on a eu aucun problème. Ouais. Donc, moi, ma théorie est qu'on n'avait pas mangé, et que du coup, quand t'as pas mangé et que t'es sur la mer, apparemment, ça te donne le mal de mer. C'est quand même pas... Faut éviter ça. On avait pas beaucoup mangé, en tout cas. Mais ouais, on n'était pas bien, quoi. Je me suis dit, putain, si c'est deux jours comme ça, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, on a pris un petit comprimé. On a mangé. Et on a mangé, mais on a pris un comprimé juste avant pour essayer de se calmer. Et puis, à 19h, on était fracasse. Et je me suis même pas dit que c'était, ça pouvait venir du comprimé en question, mais en fait, c'est certainement ça qui nous a cassé, quoi. Ah, mais on est tombés tous les deux, mais comme des grosses masses. C'est-à-dire que moi, mon corps pouvait rien faire d'autre de toute façon que de rester allongé, tu vois. Et je me suis endormie, mais vraiment profondément. Ça n'a pas duré longtemps chez moi. Ça a duré deux heures. Puis ensuite, du coup, j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 2h du matin. Super. Alors que moi, j'ai dormi jusqu'à 5h du matin. Et voilà, puis à 5h, j'étais bien réveillé, quoi. En même temps, t'avais dormi 10h passé, plus de 10h. Donc on est dans un dortoir où il n'y a pas d'aération finalement, parce qu'il y a une aspiration mais qui ne fait aucun courant d'air. Du coup, il est assez désagréable parce que du coup ça assèche vachement l'air. Donc Et en même temps, il fait très chaud. Oh, il fait une chaleur, les gars. C'était un sauna. On était dans un dortoir où tout le monde dormait à 18h. Hein. Ouais. Donc c'était assez facile, personne nous a trop dérangé. On parle du monsieur qui nous a... on en a pas parlé, qui nous a vu et qui nous a dit bonjour et qui était trop content de nous voir. Quand on est monté dans le bateau, qu'on est allé dans direction de notre chambre, à notre étage, il y a un monsieur qui était assis dans le espèce de hall là, enfin du troisième étage, et qui nous a fait des grands signes de main du genre coucou, comment ça va quoi. Moi je lui ai fait un petit signe de tête et je lui ai souri, mais bon, ça me voilà. Et en fait, il est ensuite venu nous parler quand on était, je sais pas où d'ailleurs, oui, bref, voilà, pour nous demander si on voyageait, comment on voyageait, où est-ce qu'on allait, quand est-ce qu'on rentrait en France et tout ça. Mais on lui avait pas parlé, donc il savait qu'on était français. Et donc, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me disais, sa tête me dit un peu quelque chose, mais je savais pas trop. Et en fait, après coup, le soir, j'ai vu d'autres gens de son groupe et certaines têtes m'ont encore plus dit quelque chose. Je pense qu'ils étaient avec nous dans le même wagon du Transsibérien. Sauf que lui, il se souvient vachement de nous parce que nous, on était les deux Français du wagon. Moi, je me souviens pas trop de lui parce que déjà, on s'est pas parlé à ce moment-là. Et puis parce qu'il y avait des gens. Moi, sa tête ne me disait rien, vraiment. Ouais, alors parlons un petit peu de cette arnaque qu'est ce bateau. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Et bon, ça on l'a dit, hein, c'était cher pour acheter à bouffer. Mais sauf que, alors déjà, si tu vas pour petit déjeuner, tu payes, ça fait 8 euros par personne à peu près. C'est un buffet à volonté. Mais tu n'as ni thé ni café. Donc t'as juste de la bouffe. Et si tu veux du thé ou du café, t'es obligé d'aller loin, quoi. Et puis d'aller loin, parce qu'en fait, la salle du restaurant, il faut sortir. Au niveau du premier pont, et c'est au niveau du deuxième ou voire troisième pont en fait, donc c'est un peu absurde. Bon, c'est pas très grave, mais on a réussi à bien filouter parce que hier quand on a dîné, on a vu qu'il y avait une prise électrique qui était cachée derrière une table. Donc on s'est dit ok, au petit déjeuner on prend nos affaires et on va s'asseoir à cette table là. Et donc du coup on a rechargé nos trucs pendant le petit déjeuner. Parce qu'il était hors de question qu'on leur file un dollar juste pour ça. Quoi. Et là, pareil, dans le bar, on a trouvé une prise électrique et du coup, on l'a scotché à la table depuis le début et on ne bougera pas d'ici. Non. Pardon. Faut pas déconner. Mais oui, sinon, au petit déjeuner, il s'est passé un truc rigolo. Inattendu. Une dame coréenne qui. Je suppose qu'elle était coréenne. Parce que je pense que quasiment tout le bateau était coréen, parce que... Tout le monde est sorti, quoi. On est trois. Ouais, sorti du bateau. Donc, je pense qu'à là, il va y avoir des Japonais. Et elle nous a offert un sachet de tisane d'hibiscus et un sachet de... Alors, je crois que c'était du café, je pense que c'était plus une sorte de chicorée ou un truc comme ça. Mais sans nous parler, enfin, juste... elle nous a fait un petit coucou, elle a ouvert... Enfin, et sa copine qui était derrière elle, c'était pas la même personne en plus, qui a ouvert son petit sachet, qui nous a donné deux trucs, et elles sont parties. Et on ne sait pas. C'est trop gentil. Trop mignon. Ah, alors on va te... Donc on prend jamais les annonces en même temps. À 11h, enfin il fallait dégager. Alors, t'as trouvé un petit mot dans nos affaires, enfin dans notre lit quoi, qui disait que on débarquait à 11h45 et que du coup, si on voulait sortir, il fallait remplir les histoires d'immigration, machin et tout ça. Si on voulait pas sortir, il fallait qu'à 11h40 tout soit dans le bar là et qu'on attende pour qu'on se fasse compter quoi. Et ce jusqu'à. Il était quelle heure, 14h30, quand tu es revenu pour nous dire qu'on pouvait Elle t'a dit une heure. Ouais. Mais en fait, tu pourrais remonter au bout d'une heure dans ta chambre, mais en fait, non, il s'est passé trois heures avant qu'on puisse aller avoir accès à nos affaires, quoi. Ouais, bon, on avait accès à nos affaires, mais c'est juste non, que... Non, mais enfin, qu'on puisse aller se poser, quoi. Là, je voulais dormir, mais quoi. Aller me coucher. C'est surtout qu'en plus, tout est... En fait, il est impossible d'acheter de la bouffe pendant la cercle-là. Moi, j'ai très faim. Il est 15h30, quasiment. Et le bar est fermé. Enfin, il s'est ouvert, on est assis dedans, mais on ne peut pas manger parce que ça s'est fermé pour qu'ils changent de carte et qu'ils se fassent réapprovisionner de la nourriture, je pense. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont arrivés en termes de bouffe. Le petit magasin où, à la base, on ne voulait pas y aller, mais si on mourait de faim, on s'est dit qu'on allait faire ça, parce que les trucs en palais dans le plastique, mais était fermé. Le duty free aussi, où tu peux acheter, tu sais, genre des gâteaux, enfin des petits trucs, de toute façon, est fermé. Et il n'y avait pas de buffet pour le déjeuner. Donc en fait, c'est ça, c'est que t'es entre midi et 15h30. Bah, on espère que ce sera 15h30. Voire moins, parce que ça a dû... C'était à partir de 11h30, ouais. Je dirais. Et il est 15h20 et c'est toujours pas revenu. Donc on n'avait pas forcément anticipé, vu qu'il y avait de quoi acheter de la nourriture. Donc, bah voilà. Et moi, quand j'ai faim, je suis grognon. Bah ouais, non, mais c'est surtout fou, quoi, de se dire que non, mais voilà, tu payes ta bouffe, ton truc hyper cher, tu payes ta bouffe hyper cher, et en plus, tu peux même pas acheter ta bouffe, parce que, en plus, t'as pas le droit de manger pendant 6 heures, quoi. Enfin, pas 6 heures, mais du coup, on sait pas combien de temps. À l'heure du déjeuner. Donc, en plus, ils pourraient prévenir. Enfin, alors, ils préviennent peut-être, mais encore rien. Sauf qu'en fait, rien n'est expliqué en anglais, ou annoncé en anglais, si tu vas pas poser des questions. Donc, c'est pas dit que ça allait poser un problème, quoi. Non, je pense que c'est quand même pas annoncé, parce que... On doit je sais pas, elle fait des petites annonces, la dame, peut-être elle dit des trucs. Peut-être elle dit des trucs, mais ils disent en anglais, hein, souvent. Bah, pas là. Donc la carte va changer. C'était de la bouffe coréenne et là, ça va être de la bouffe japonaise, du coup. Il y aura peut-être moins d'insectes en soupe. Mais ce que je trouve d'ailleurs moi très bizarre, personnellement, hein, enfin, c'est juste que t'es sur un bateau pendant 44 heures, tu t'adaptes à de la nourriture, tu vois, c'est très bizarre de se dire, sur la première partie, tu fais que du coréen pour les coréens, tu vois, et sur la partie que du japonais pour les japonais, quoi, enfin... Alors, j'étais un peu déçu d'être malade hier soir, au moment du buffet, parce que, bon, on a mangé globalement du riz, pour éviter d'être malade. Ce matin aussi, parce qu'au final, c'était salé ce matin, plutôt que sucré, il y avait des céréales, mais c'était rapide, quoi. Et des bonnes frites. Ouais, bah ouais, franchement, j'ai vu leur tête, je me suis dit, oh, ça va être horrible. Enfin, vraiment, ça donnait pas envie. Et puis, je me suis dit, j'en prends quand même, parce que quand j'ai faim, parce qu'il faut toujours goûter des frites, hein, on sait jamais. Bah oui, on sait jamais. En fait, elles étaient très bonnes. Ouais, c'était très bon. Mais non, mais hier, j'ai mangé beaucoup de riz pour tasser. Au reste, quoi. Et bon, ça m'a fait du bien. Mais il y avait plein d'autres trucs que j'aurais bien goûté, quoi. Pour le coup. Bah tant pis, hein, enfin. Ah bon? Bah du ouais. Mais genre quoi? De tout, parce que ce sont des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger, quoi. En fait, comme c'était plutôt coréen, enfin, a priori coréen, je pense. Ouais, alors le truc, c'est que moi j'ai goûté un truc, du chou mariné dans une espèce de sauce qui arrachait sa mère, mais genre comme jamais. En plus, quand t'as mal au cœur et tout, c'est pas hyper agréable. Et après, le reste, c'était pas végétarien, hein. Il y avait des espèces de trucs, je pense que c'était du calamar ou tu sais, un truc comme ça dans une sauce. Ah oui. Et il y avait un autre truc à base de poulet, je crois, mais des nuggets de poulet aussi qu'on a mangé. On a cru que c'était un truc végétarien, nous on s'est même pas posé la question. On a pris les petits nuggets en se disant ça va être un petit. J'ai pas beaucoup goûté, je me disais qu'il y avait une bonne chance pour que ce soit quand même. J'ai même pas pensé, moi, tu vois. Ouais. Non, mais là, bah, si tu veux, on fait avec un peu ce qu'on peut. Hein. Heureusement. Ah, tu veux dire par rapport au fait de manger végétarien? Ouais, bah ouais, là, c'est un peu compliqué. Là. C'est... Heureusement qu'on avait acheté. Beaucoup trop de graines des cacahuètes et des amandes pour le Kyrgyzstan, que du coup on se traîne pour le Transsibérien et qui nous a quand même bien servi, même si on s'est acheté à manger, ça nous a quand même permis de tenir quand on avait faim. Et puis bah là, du coup, bah, ça nous a permis de déjeuner avec des gros guillemets, quoi, parce que on attend quand même de manger. Et du coup, voilà, on est quand même à quai depuis 11 heures, je pense. C'est vrai que tu te posais la question et à vérifier si. D'un point de vue environnemental, pour vous, c'est pas plus intéressant de prendre l'avion? Parce que, bon, on verra combien de gens rentrent là dans l'avion, dans le bateau, entre du coup la Corée et le Japon, mais j'ai un peu peur qu'on soit pas si nombreux que ça. Le bateau est quand même gigantesque, et je pense qu'il y a énormément de déchets. Bon, déjà, tout le monde bouffe des trucs dans des nouilles instantanées et tout. Et en effet, en termes de carburant, Et pendant qu'il avance, quoi, et pendant qu'il est à l'arrêt, ça me paraît... Ah, puis en plus, c'est sûrement un carburant dégueulasse, hein, comme l'avion. Alors qu'en avion, c'est 2 heures, quoi. Donc, bon, c'est quand même... Bah, du coup, en 2 heures, oui, t'as moins de déchets qui sont produits. Oui. Parce que même si, général, éventuellement, t'as une petite collation, mais... Tu manges pas, ouais, du solide, quoi. Pas du... Donc déjà il y a ça, après ça fait un peu réfléchir, peut-être... Je pense qu'on va vérifier d'ailleurs quand on aura internet, parce que ça me perturbe... Bah, au-delà du fait qu'en plus on a payé déjà 3 fois plus cher que ce qu'on aurait payé, je pense qu'on avait pris l'avion. Tu penses ? C'est pas cher ? Ah ouais ? Bah on va regarder, j'aurais pas à te dire là on comme ça, on était un peu trop en mode pas d'avion, mais en fait, à la base c'est plus pour une question environnementale, pas... Ah oui, parce nous, que moi, oui, d'ailleurs, je préfère l'avion que le bateau, donc... Choisir. Non, mais... Je préférerais y être en 2 heures qu'en 44. Enfin, tu vois, quitte à être dans un transport qui te, bon, qui t'excite pas, quoi. C'est sûr. Donc ouais, c'est un peu... On était bien dans le transsibérien. Hein, on était dans notre monde, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais on aurait pu rester... Tu vois, comme fonctionnement, quoi. Le transperce-neige, là où, bon, tout le monde vit dans un train, toute l'humanité vit dans un train qui roule à tout pour toujours, c'est fait moi, pour ça nous. Ça ne dérangerait pas du tout. C'est vrai, hein. Ouais, non, on est un peu déçus du coup de plein de trucs, quoi. Enfin, c'est pas très grave, hein. C'est comme ça, de toute façon, c'est fait. Mais on vous les partage, c'est pour que vous ne fassiez pas la même erreur que nous. Ah oui, non, c'est pas du tout pour se plaindre. On a de la chance d'être là, on se plaint pas du tout. Bah, mais oui. C'est juste, ouais, de se rendre compte que parfois, déjà, on fait les choses de toute façon un peu hâtive. Ouais, puis c'est pas notre monde, quoi, tu vois. C'est vraiment... c'est pas très grand, mais c'est hyper consumériste et puis c'est vraiment s'en mettre plein les fouilles, quoi. Enfin, je comprends pas le principe de tu payes déjà quand même ta place hyper chère et qu'en plus il faut que tu te tapes de la bouffe et de la boisson hyper chère, quoi. C'est un peu comme le cinéma, quoi. Tu payes ta place, des fois jusqu'à 12 balles, et puis tu tapes des pubs quand même. Non, mais alors que normalement... Oui, soit tu payes pas et t'as des pubs, moi pourquoi pas, hein, c'est un concept globalement utilisé notamment par internet. Oui, qui se défend, enfin je veux dire. Ah bah c'est un moyen de que l'exploitation soit rémunérée. Oui, et puis en plus, moi je personnellement étant quand même relativement plus trop sensible à la publicité aujourd'hui. Je préfère ne pas payer quelque chose et avoir de la publicité que je vais regarder un peu en rigolant et de, tu vois, qui passera sans que je... Voilà. Bah, plutôt que de payer... Bah, tout dépend du contenu, parce que moi, je préfère payer pour quelque chose que j'aime bien. Ça permet aussi de montrer l'intérêt, tu vois, pour la chose. Ça dépend. Ah oui, non, mais oui, tout se défend. Les deux choses se défendent, en effet. Si c'est du blockbuster... Mais en parlant aussi des trucs sur internet, hein. Si tu prends YouTube, tu regardes des vidéos qui sont plutôt détentes et tout ça, tu vois, pourquoi pas avoir de la pub. Mais des fois, il y a des choses pour lesquelles, à la limite, je préfère donner en Tipeee à côté ou quand c'est des systèmes d'abonnement. Pour qu'ils gardent une certaine indépendance aussi. Bah oui. Selon ce que tu veux regarder, si c'est un média où il y a de l'information et voilà. Et on n'a pas dit aussi que tu n'avais pas le droit de prendre ta douche, du coup, parce qu'ils avaient fermé les douches. Ah oui. Donc les douches à notre étage étaient fermées, et puis ils disaient d'aller au premier étage, qui est le rez-de-chaussée, en fait. Mais où c'était, en fait, il y avait tout le monde qui attendait pour débarquer. Ils avaient fermé, donc en fait, voilà, tu ne peux plus rien faire. Et on voulait... ton service. Et en fait, on s'est dit, on va rester là, parce qu'on ne voulait pas débarquer, avoir tout contrôle à faire... en sortant et le contrôle à faire en revenant dans le bateau pour un endroit qui a pas l'air folichon. Ouais, ça a pas l'air foufou. Autant Vladivostok, ça avait l'air même très proche, oui, du bateau. Tu sentais qu'il pouvait se passer des trucs. Autant là, c'est vrai que tu sens ce qu'on disait qu'on pensait qu'il y avait Vladivostok, c'est-à-dire c'est cet endroit un peu portuaire où il n'y a rien autour. Je pense qu'on aurait galéré à trouver quelque chose, tu vois. En fait, ça a l'air très grand. Donc, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de joli à voir, mais à ce moment-là, il faut prendre des transports et tout. Ah oui, dans la ville. Et là, on est... un peu centré, je pense. Oui, quoi. Non, mais on serait pas allé plus loin que puis le mec, port. Puis le mec, au début, t'avais dit, c'était... on s'arrêtait 2 heures, quoi. 2-3 heures. En fait, du coup, on s'est dit, 2-3 heures, c'est un peu short. En fait, on va s'arrêter 8 heures, c'est sûr. Enfin, on est grognon, quoi. On a faim, donc c'est normal, on est grognon. Vous avez vu, hein, comme on est vénère. À Vladivostok, on a craqué. Ouais, malgré que le Transsibérien, c'était cool et qu'au final, on a réussi à manger pas trop mal de trucs, tu vois. Non, non. C'était plutôt bon, enfin, ouais, on s'est bien débrouillé. Mais qu'on avait quand même aussi 2 jours de train avant ça dans les pattes. Donc au final, on avait quand même une semaine où on avait mangé des trucs un peu à l'arrache et tout. Et du coup, on avait envie de se faire plaisir, quoi. C'était quand même à l'arrache. C'était du... Ah oui, c'était du fast-food. Ça restait pas de la nourriture très... Non, c'était horrible. Très raffinée. Enfin, non, c'était... Enfin, ça faisait du bien. En fait, on était bon, fatigués et vraiment la grosse dalle. Et... Il pleuvait. Tu sais, ces moments où il fait gris, il y a du vent, t'es fatigué. Tu n'as pas envie de prendre la tête et tout ça. Et du coup, bah, tu vas à la facilité, quoi. Surtout qu'on aurait très bien pu ne pas... Sur la carte, il y avait plein d'autres trucs qui étaient pas végétariens, quoi. Mais on a sciemment décidé de... Je pense que ça faisait 6 ans que j'avais pas mangé une pizza pepperoni, par exemple. Depuis Domino Pizza. Oui, même plus que 6 ans. Et là, je sais pas, j'avais une envie de pepperoni. Bon, bah. Et j'ai remercié le petit animal qui est mort en fait, pour moi. Oui, c'est ça aussi, c'est que... Non, mais ça peut paraître un peu con quand tu le dis comme ça. Non, mais en fait, non, mais je me moque... Enfin, je... Non, mais tu le dis un peu de façon de moi, ironique. En effet. Non, Non, mais le ton. Ah oui. C'est parce que je suis un peu... Tu sens ma voix qu'elle est un peu... Elle part en couille. Ouais. Et après, il m'a dit, non, je suis plutôt malade. Mais alors moi, j'ai aucun problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus parler. Mais t'es malade, mec. Tu tousses, en plus. Donc oui, c'est de se rendre compte que, voilà, c'est pas juste un morceau de viande comme ça. J'allais dire déshumanisé, c'est pas le mot adapté, du coup. Mais tu vois, on se rend compte de ce que c'est. Et moi, j'ai mangé mon hamburger en pensant à la petite vache qui était... Non, mais vraiment, je visualisais dans ma tête la vache. Et bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça n'empêche que c'était très bon et que j'y ai pris du plaisir, et voilà. Je crois pas avoir trop culpabilisé, hein, après. En plus, là, moi, j'ai commencé un peu, du coup, à lire les guides pour le Japon et tout, et ils ont l'air de dire que c'est dans tous les cas, même si tu manges des trucs qui sont végétariens sur le papier, enfin, qui ont l'air végétariens sur le papier, donc, par exemple, une soupe de ramen avec un bouillon, voilà, à ton bouillon, dans tous les cas, ce sera jamais du bouillon de légumes, ce sera du bouillon de porc ou de bœuf et tout. Dans le miso, enfin, il y a du poisson. Enfin, en gros, apparemment, pour manger vraiment strictement végétarien, c'est même pas ingurgité l'animal, même quand c'est cuit avec des trucs où il y a l'animal avec, quoi. Enfin, c'est impossible, quasiment. Donc ça me fait un peu peur, mais bon. On verra, parce que la tendance végétarienne est... Tu vois, prend un peu du terrain, donc peut-être aussi... Non, mais je pense que ce sera facile de manger végétarien à Tokyo, tu vois, tout ça. Mais dès lors qu'on va sortir un peu... des très très grandes villes, à mon avis, ça reste quand même assez pas conservateur dans le sens négatif, mais tu vois, traditionnel. Et du coup, bah, on verra. On a eu une bonne surprise au Kyrgyzstan où ils s'adaptaient aussi aux végétariens, alors qu'on avait entendu que c'était très viandard. On a quand même bouffé pas mal de viande en Kyrgyzstan, plus que ce qu'on aurait mangé en France, quoi. Ah ouais, bah, dans les mantis, tu vois, trucs comme ça. Enfin, ah oui, pas... non, mais d'accord, ouais. Quand on n'avait pas le choix et qu'on comprenait pas la carte, qu'on comprenait pas avec les gens. C'est ça le problème, ouais. Souvent aussi, c'est l'incompréhension, quoi. Bah oui. Et là, bon. Ça va pas s'arranger, à mon avis, au Japon, parce qu'on va encore moins comprendre ce qu'il y a écrit. Non, mais si tu veux, voilà, moi le végétarisme, je le prends comme un temps. Quelque chose, si je peux le faire, je le fais. Mais si t'as pas le choix, ou si des fois tu craques, parce que voilà, c'est toujours, dans tous les cas, c'est toujours mieux que rien. Donc, Oui, non, on est d'accord. On mangera pas de l'anguille après, ouais, quand même, mais sinon... Ah, bah on va tenter. Ah non, moi je tenterai pas ça. Je pense que c'est le moment de tenter. Et je suis plus... pas seulement de tenter... Mais toi, t'aimes bien tenter des trucs d'un point de vue nourriture, mais moi je suis pas très aventurière. Attends, c'est pas là des espèces de cloportes dans une soupe, ça va. C'est clair, ah, c'est vraiment dégoûtant. Mais aussi bien, c'était des légumes, enfin tu sais, on a cru que c'était ça, mais enfin, ça ressemblait quand même beaucoup. Non, non, mais c'est... Oui, là. Je suis plus perturbée à l'idée qu'on ait du mal à gérer nos déchets, parce que pour moi ça a un plus gros impact et je sens que ça va être un peu compliqué de conserver un budget raisonnable avec, tu vois, pas de déchets, parce que souvent les trucs du coup qui sont pas très chers d'un point de vue nourriture, il faut aller les acheter au supermarché ou alors manger des trucs à importer et tout, et du coup ça sera plein de déchets. Donc si on veut pouvoir faire un équilibre entre les deux, mais c'est un peu compliqué. On a enfin réussi à commander de la nourriture et de la boisson, et du coup je me suis dit on va se prendre une petite bière tous les deux, et je vais prendre une bouteille pour deux, donc ce que t'es à la base pas énorme, tu vois. Et donc j'ai fait d'après la photo. Il y avait quatre soi-disant pièces différentes. J'ai pris la première. C'était tout au même prix. Hein. Et en fait, ça n'a rien d'une bière, puisque d'apparence, c'est de l'eau. Et c'est alcoolisé. Et ça a enfin, pas. La bière est alcoolisée, mais là, c'est plus alcoolisé. Oui, c'est de l'eau alcoolisée, quoi. Donc, on ne sait pas de quel alcool il s'agit. Peut-être de bambou. Parce qu'il y a un tout petit dessin de bambou, mais qui est sinon, le plus gros logo de la marque, c'est une goutte d'eau. Donc, en fait, visuellement, t'as l'impression que c'est de l'eau. Hein. Tu te dis, c'est peut-être une eau pétillante, tu vois, c'est dans une bouteille en verre, vert. Et ben, donc du coup, on est un peu pompette. Parce que surtout, ben, on a bu la moitié de la bouteille, hein, qui fait 360 millilitres. Ouais. C'est un petit peu un échec. En même temps, c'est une découverte, mais ne sachant pas ce que c'est, ben, c'est un peu frustrant. On sait pas trop si c'est du vin de riz ou un truc comme ça. Donc, pas du saké, parce que c'est quand même moins fort que du saké. Mais je crois qu'il existe une autre sorte de truc à base de riz. Ça n'a pas trop de goût, c'est pas non plus hyper goûtu. Ça ressemble à de l'eau avec un peu d'alcool. Donc bah Vincent il était déjà fatigué et là il vient de manger, donc c'est l'heure de la sieste. Et en plus il a bu, donc clairement voilà. Les discussions sont compliquées, quoi. Et puis comme on supporte plus grand chose en termes d'alcool... Ah on sait bien, c'est bien, c'est vrai. Du coup, dans le Transsibérien, moi, je m'attendais à ce qu'on nous offre de la vodka, mais comme c'était, ils étaient tous musulmans, nos Ouzbeks, bah, ils buvaient pas d'alcool. Ouais, ils étaient calmes, hein, c'était tranquille. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on s'attendait à quelque chose un peu à la rage, quoi, tu vois, avec des mecs un peu bourrés, parce que c'est clairement la réputation du Transsibérien, et il y a des gens qui ont vécu ça. Non, on n'a pas dit ce qu'on avait mangé. Vas-y. Non, j'ai des frites pour changer parce que c'est le seul truc. On a pris les deux trucs végétariens sur la carte. Hein. Donc des frites et une crêpe au kimchi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça pique le kimchi. C'est quoi le kimchi? Des légumes fermentés. Mais ce qui piquait, c'était parce qu'il y avait une sauce piquante avec. Ah, mais je sais pas. Avait... En tout cas, ça piquait. Il y avait des piments, enfin des sortes de piments. Ouais. Et ça piquait. Ça picotait. En octobre 2019. Je vais parler un petit peu avec de la voix, je vais essayer. Vous entendez ce bruit d'avion derrière nous? C'est un train. C'est vraiment un mélange entre un TGV et un avion, quoi. Quand tu rentres dedans, tu saurais pas, s'il n'y avait pas de fenêtre, tu saurais pas trop où t'es. C'est le Shinkansen. C'est bref. Nous sommes bien au Japon. Ça y est, on approche de Kyoto. C'est juste pour parler de la tête du train, on dirait un avion et ça fait le bruit d'un avion. Et ça va très très très vite. Un peu plus le Concorde même qu'un avion. Tu vois, cette espèce de tête très allongée comme un petit bec. Il est vraiment un fuselage qui est comme un avion. Et il va très très très très vite, j'ai l'impression. Mais nous, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris un train à grande vitesse que ça nous fait tellement bizarre. En tout cas, les gens sont calmes et sont patients, ordonnés. Je sens que je vais kiffer ce pays. On est à Kyoto. Ouais. On est arrivé hyper rapidement depuis le train, du coup, une heure, quoi, c'est passé trop trop vite. Ouais, non, tout est... Et puis tout s'est fait assez facilement depuis qu'on est arrivé à Sakai Minato. Oui, donc il faut qu'on vous raconte, parce que oui. On était dans le train, il y avait un peu de bruit. Enfin, le train faisait un petit peu de bruit, et surtout c'était tellement calme qu'on n'osait pas trop parler, quoi. Donc on est arrivé ce matin à Sakai Minato, à 9h pile. Ouais, on est arrivé un petit peu avant, mais ils nous ont fait débarquer à 9h, comme c'était prévu. Donc ça, c'est très ponctuel. On s'est rendu compte en sortant du bateau qu'on était 40, à tout casser. Ouais. Donc paye ton empreinte carbone dans un gros ferry comme ça. Donc on confirme ce qu'on a dit hier, c'est que au final, quand il n'y a personne comme ça et que le truc tourne, en plus, dès qu'il est arrêté dans une dans un endroit pendant hyper longtemps, globalement l'avion c'est peut-être mieux quoi. Oui, oui, je pense, ouais, de... Après un petit avion, je sais pas, de Vladivostok s'il y a un aéroport, mais... Oui, il y a un Vladivostok, Tokyo, ouais. Directement. Bah ouais, ouais. Non, bah écoute, on savait pas. Maintenant on sait. Donc, On recommencera pas les histoires du ferry, a priori. Non. C'est pas si bien que ça, quoi. Non, non. Et donc, on est passé assez facilement, du coup, à la frontière, quoi. Voilà, moi, mon contrôleur, mon policier... Il avait soit pris de la coke, soit pris 8 cafés, soit genre le thé ici est plus excitant que d'autres choses, j'en sais rien. Mais il était surexcité, mais vraiment, j'avais envie de lui faire un câlin pour lui dire « Mais respire mon petit, respire, ça va bien se passer, t'inquiète pas. » Il avait l'air sympa en tout cas. Oui, il était très sympa. Alors, je me suis fait engueuler parce que... Enfin, engueuler, non, mais je me suis fait un peu réprimander parce que j'avais mis qu'on allait rester 3 mois. Et en fait, il faut mettre 90 jours. Ouais, moi, il m'a rien dit, hein. Comme quoi, voilà. C'est vraiment à la tête. C'est à la tête du client, quoi. Il m'a pas demandé mon billet de sortie, moi. Il m'a juste demandé de bien vérifier l'adresse où on arrivait à Kyoto, qu'on avait mis un peu à l'arrache en prenant un truc sur le guide, parce que bah du coup on n'avait pas réservé, donc on savait pas où est-ce qu'on allait arriver. En vrai. Mais bon, il vérifie pas. En fait, il te demande de mettre le numéro de téléphone, donc je pense qu'il pourrait appeler pour vérifier, mais il vérifie pas. Et au pire, moi je m'étais dit, bah, je lui dirais, oui, on a l'intention d'aller là, mais on n'a pas encore réservé parce qu'on n'avait pas internet. Oui, voilà. Bon, on verra quoi. Parce que... Mais c'est surtout que moi, le mien, il a contrôlé mon billet de sortie. Heureusement qu'on avait pris le service de location. Il a bien vérifié. Et bon, c'est passé. Après, il fallait remplir un papier pour la douane pour deux, mais ils t'ont obligé toi à partir. Donc moi j'étais avec le papier. Et en plus, ils t'ont pris le papier, quoi. Mais moi, du coup, quand ils m'ont contrôlé, ils m'ont dit est-ce que vous avez le papier ? Ah là, il fallait que je remplisse un autre papier, puis que j'aille réattendre. Bref, ça a duré un peu plus longtemps. J'ai cru qu'ils l'avaient arrêté et que c'était encore notre bicarbonate de soude qui posait problème en fouillant ton sac. Non, non, ils avaient un détecteur à drogue. Il m'a montré un petit feuillet là avec tous les trucs qu'on n'avait pas le droit de prendre. Donc on avait déjà normalement la liste sur notre truc dans comment on appelle ça, de custom declaration là, de déclaration de douane. Mais j'ai quand même bien vérifié chaque truc pour montrer que j'étais, tu vois, ouais, que j'étais consciencieuse. Je lui ai dit non, on n'a pas de poudre à canon et de et de drogue et de trucs comme ça quoi. Et d'ailleurs mon truc de médicaments, il l'a vu. Je lui ai dit c'est des drugs et il l'a ouvert, tu vois, il a même pas vérifié ce qu'il y avait, enfin il l'a ouvert pour voir, tu vois, rapidement, mais sans plus. Oui, bah c'est de la drogue régulière. Oui, mais c'est, en anglais c'est... Oui, je sais. C'est drugs, donc... Alors lui il m'a dit medication, mais en vrai le mot approprié c'est drugs. Oui, je sais. Donc voilà, et ce truc super bien du ferry, c'est qu'il y avait un minibus gratuit qui t'a amené du coup du... poste frontière jusqu'à la gare. Ouais. Et comme c'était 40 minutes ou 45 minutes de marche, bon, c'était pas mal quoi. Ouais, c'est apprécié. Ils étaient hyper gentils quand on est arrivé. Ouais. Il y avait un petit point de tourist information qui nous ont expliqué comment aller à Kyoto. Bon, ils voulaient absolument qu'on prenne un bus et pas un train. Oui, oui, oui, non, mais nous on veut du train. Même si c'est plus cher et plus long et tout ça, quoi. Mais... Et puis moi je suis pas trop ça long, hein, franchement. Non, long, non, mais. Après, tu sais, s'ils sont très à cheval sur les trucs qui vont très vite, peut-être pour eux c'est hyper long. Ah oui, oui. Ce qu'on vient de faire. Bah, nous, ça nous apparaît pas, tu vois. Jusque-là, c'est le truc le plus rapide qu'on ait fait. Ouais, moi, ça me faisait bizarre d'être dans un TGV. J'ai même pas aimé parce que moi, ce que j'aime bien dans le train, c'est de pouvoir regarder les paysages tranquillement. Là, ça passe tellement vite. Bah, c'était le cas entre Yonago et Okai. Okay. Ah, on va avoir du mal, hein. Okayama ou je sais pas quoi. Okayama, ouais. C'était plutôt lent. C'était un espèce de TER. Je crois que c'est celle-là. Faut traverser là. Qui était plutôt lent. Moi, oui, j'ai quand même pu voir le paysage, ça va. C'était juste dans le TGV entre Okayama et Kyoto, c'était un peu rapide. Ouais. Bon, alors, le seul truc, c'est que quand on est arrivé, bah du coup, on a été à la gare. On a fait la queue pour acheter notre billet de train. C'était un peu long parce qu'il y avait plein de gens, bah, plein de touristes comme nous. Donc du coup, c'était un peu long. Et après, j'ai voulu aller tirer de l'argent parce qu'on n'avait pas de monnaie. Tout ça, ça s'enchaînait un peu rapidement. Quand on est arrivé, du coup, on a eu à peine le temps d'aller acheter de l'argent et pas de tirer de l'argent et le train partait quasiment tout de suite. Et quand on est arrivé, du coup, à Yonago, on avait un quart d'heure pour changer. et ouais. L'autre aussi, donc au final, on a mais comme tout est très ponctuel, du coup, tu sais que tu... Même si t'as 10 minutes de changement, tu sais que t'auras ton train, enfin... Ah oui. C'est ça qui est... Mais du coup, on n'avait pas mangé. Ouais, on avait faim, quoi. Et les cacahuètes, ça va un moment, mais c'est vrai que ça commence à être un peu... Bon, on s'est beaucoup nourri de cacahuètes depuis les 3 dernières semaines. Enfin, cacahuètes, amandes et tout, c'est la clique, là. Du coup, ça commence à être un peu chiant. Donc à la gare, à Okirayuma, on a... Enfin, c'est pas du tout ce bon mot, en plus je suis en train de dire ça, je le répète, mais c'est pas le bon mot, hein. Bon, c'est pas grave. Vous nous en tiendrez par rigueur. Et bah, on a décidé d'aller acheter à manger. Parce qu'on avait un petit quart d'heure, mais comme c'était très proche, on s'est dit qu'on allait pouvoir. Moi je voulais juste, avant que tu parles de ça, c'est parler de Saika Minato, qui est, une... qui a l'air d'être une jolie petite ville. On savait pas trop à quoi s'attendre, on pensait vraiment que ça allait être la ville portuaire un peu dégueu. Et c'est... hyper calme. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait personne. Ouais. Et en fait il y avait des gens, c'est juste que les gens sont calmes quoi ici, tu vois. Donc et les voitures sont hyper silencieuses et tout, donc c'était trop mignon. Et il y avait des petites figurines trop chou. Bah oui, parce qu'en fait, alors de ce que tu m'as dit, c'est un dessinateur célèbre de manga qui est originaire de cette ville. Alors ça doit vous paraître un peu bruyant, mais en vrai, depuis qu'on est arrivé à Kyoto, ville. J'ai pas entendu un seul coup de klaxon. Mais pas un seul, hein, vraiment, hein, c'est sans exagérer. Puis les gens parlent... D'ailleurs, je parle trop fort. Oui, nous, on parle très très fort. Moi, je suis sourde, puisque je suis encore malade. Et moi, sinon, après, on m'entend pas, j'ai la voix cassée. On est un petit peu... On a besoin de repos, je pense. Ouais, ça va être bien, là. Ça va être cool. Non, donc, Saika Minato, et il y a ce dessinateur, donc il y a des fresques, et plein de petites statuettes, des figurines, sûrement de ses œuvres, issues de ses œuvres. Et c'est très beau, et avec l'ambiance... de l'architecture, des bonsaïs, ça faisait vraiment un charme très particulier. Et c'est vrai qu'il y avait un silence, on aurait dit que la ville n'avait personne, en fait il y avait plein de gens, mais les gens parlent doucement, ne crient pas. Il y avait plein d'enfants, ouais. C'était trop calme quoi. C'est incroyable, ça choque un peu avec jusque là quoi, notre voyage. Hein, c'est... Oui clairement, oui, ça change beaucoup. Du coup bah, tu t'oses pas faire, c'est plein de trucs que tu n'oses pas... faire, tu vois, dès que tu élèves un peu la voix, t'as trop peur de te faire repérer. Dans le TGV, quand on est arrivé, on avait trois, enfin, c'était des trucs de trois places, et nous on avait les deux places qui étaient les plus proches de la fenêtre. Du coup, il y avait un monsieur qui dormait sur la place qui était proche du couloir. Et je savais pas comment faire pour, genre, passer, quoi. Et je savais pas s'il fallait que je le réveille. Est-ce que ça se fait de toucher les gens, genre, pour les réveiller? Ou est-ce que. Tu vois, j'étais un peu perdue, et bon, heureusement, au bout de. Je sais pas, 2 minutes, il s'en est rendu compte, il s'est poussé, mais tu sais pas trop quoi faire, quoi, t'oses pas trop. Et d'ailleurs, le TGV est très large. Je sais pas si t'as remarqué, il est très large comparé aux autres. Donc t'as 5 sièges, au final. T'as des rangées de 5 sièges, plus un couloir qui est presque deux fois plus grand qu'en France. C'est vrai qu'on passait facilement avec nos sacs, sans gêner les gens, ouais. Sans risquer de les frapper, quoi. Ouais. J'ai failli faire tomber mes tapis de sol sur une dame. Ça va, je les ai rattrapés à temps. Là, c'est pas facile. Hein. Donc, Saika Minato, pardon. Oui, l'ambiance était trop mignonne. Et en fait, si j'avais su ça. Je pense qu'on aurait pu y rester, en effet. Mais j'avais trop l'impression qu'il n'y avait rien à faire. Sur le guide, il disait, genre, bah, à part si t'es fan de ce. J'ai dessinateur de manga, enfin, ou je sais pas comment on appelle ça, auteur. Bon, bah, il n'y a rien à faire, quoi. Et en fait, c'était trop mignon. C'est à gauche, pardon. J'aurais pu y rester un peu. Tant pis. Hein, Après, on va peut-être y repasser parce qu'au final, quand on doit aller à Hiroshima et que sur la côte il y a plein de trucs à voir, bon, peut-être on sera pas si loin que ça et on pourra toujours. Au pire, il y aura plein d'autres trucs à voir, je pense, dans la vie. Non, mais de toute façon, déjà, rien qu'à Kyoto, là, on va y passer un petit peu de temps, on va y avoir beaucoup de choses à faire. Et on a. Donc, c'est pas Okinawa, voilà. Hein, mais Okayawa. Bon, une petite ville, une grosse ville, oui, non, mais. On a. Acheter. Alors c'est le paradis du plastique hein, ici. On nous avait prévenu, mais c'est vrai que t'as pas un truc de bouffe qui est pas sur-emballé. Et comme t'es dans une gare, encore plus. Et comme on était pressé, on avait encore moins le temps de regarder. Tout le monde est pressé au final. Donc, mais ça dit, les gens sont très gentils. Enfin. Puis bah, bien sûr, tout le monde fait la queue, tu vois, sagement. Tout est hyper. Donc là, on est à la sortie d'une école. Donc c'est un petit peu plus bruyant, mais ça reste. Ça va. Et donc on a craqué pour craquer. Enfin, non, bien qu'on se nourrisse quoi. C'est jusque là on avait vraiment super faim. Bah ouais. Bah c'est une boîte toute préparée. Une espèce de lunchbox. De lunchbox. Ou bento box, je sais pas comment ils appellent. Ouais, ça. Bon. Où il y a plein de petits. Ça fait comme des canapés quoi. Si tu veux des plein de petites ouais, cases. Avec des portions de plein de avec trucs. Des portions voilà. De... Et bah alors il se trouve que bah déjà c'est la boîte est en carton mais emballée dans un plastique fermé quoi. Et t'ouvres dedans c'est protégé par du plastique. Les petites cases sont en plastique et il y a des petits. Vous savez, des petites corolles là pour moi, voilà. Comme quand t'as un muffin, c'est le truc qui est autour, mais voilà. Du coup c'est pas collé. Ouais, dans les Ferrero Rocher là. Les... Ouais, c'est ça. Sauf que c'est en plastique aussi. Donc... Et tes baguettes sont emballées dans du plastique et t'as une serviette emballée dans le plastique pour te nettoyer les mains. Oui. Et tout ça. Que tu ne vois pas avant. Bon, enfin, ça ne nous aurait pas. Bah, moi je pensais qu'il y avait du plastique, genre un peu, mais à ce point-là, je veux dire, j'avais faim quand même. Mais, ce qu'il faut dire. Ça devrait être à gauche, puis tout de suite à droite. C'est que c'était délicieux. C'est ça le truc, c'est que tu te dis, t'achètes ça en France, en vrai, tu as l'impression que ça va être un peu dégueu. C'était vraiment très bon, très très bien cuisiné. C'est le meilleur riz que j'ai mangé de ma vie, je pense. C'est des petites boulettes de riz. Mais même tous les autres trucs, alors il y avait plein de trucs, à base de poisson, de viande et tout ça. Ah oui, c'était ni végétarien, ni zéro déchet, clairement. Et c'est bah, ça, non ouais. Et ben. C'est trop bon. Franchement, on s'est régalé. Alors, c'est vraiment dommage que ce soit suremballé dans du plastoc, parce que c'est de la bouffe de qualité. Oui, c'est fin, quoi, c'est hyper fin. Ouais. Mais a priori, ce que tu disais, c'est que les Japonais sont très exigeants sur la gastronomie. Bah, c'est un art culinaire, en effet, un peu spirituel, enfin, poussé à, je pense, à un paroxysme qu'on n'a pas nous chez nous, quoi. Ouais. Donc, ils ont vraiment le souci du détail, de le bon assaisonnement, de la subtilité, enfin, tu vois, de la nourriture, et de toute façon... Ça se ressent. Oui, ça se ressentait, mais globalement, ça se ressent dans tout chez eux, quoi. Bah, les rares fois où je suis allé dans des vrais restaurants japonais, un peu... comment dire ? Sophistiqué ? Ouais, un peu sophistiqué, pas les sushis, quoi. Ouais, pas les sushi shops. Grâce à mon patron, mon ancien patron. Ça restera de mon patron, de toute façon. Merci, ça Nam. C'est ton patron le plus longtemps dans ta vie. Ah bah grave, oui, c'est sûr. Le meilleur. Ce sera peut-être d'ailleurs le seul patron de ta vie, si t'arrives à faire ce que tu veux de ta vie. Ah bah peut-être. Bah non, ça va pas être le seul patron de ma vie, mais j'en ai eu d'autres. Non, mais le... Je dis le meilleur. Non, mais c'est le meilleur. En termes de temps, quoi. Voilà, qui lui est fan de bouffe japonaise et qui nous a souvent emmenés dans des super restos à moi, Paris. J'ai pas eu le droit. Et si tu t'en rends compte, en fait, parce que moi qui je suis pas fan de poisson, mais si tu veux, quand tu vas goûter des trucs qui sont absolument divins, mais juste parce que voilà, ça a été hyper bien calculé. Enfin, c'est un art et c'est une spiritualité, quoi, derrière. Enfin, franchement, c'était kiffant. Enfin, vraiment, c'était là la bouffe qu'on a pris. Et même, on a pris du coup. J'ai pris un espèce de petit. C'est pas un sushi, c'était pas un temaki, c'était un truc un peu entre les deux, là, qu'on était bien sûr aussi suremballé. Mais c'était très bon, enfin, l'algue tour était hyper bonne, le riz était très bon, le saumon était hyper bien cuisiné, enfin, hyper bien, genre juste cuit, quoi. Mais c'est quelque part, c'est un peu rassurant. Enfin, rassurant encore. Non, mais tu te dis, tu peux acheter de la bouffe n'importe où. Ouais. Tu sais que tu vas bien manger, quoi. Enfin, pour moi, c'est peut-être un peu peut-être réducteur, si bien c'est pas le cas. Mais je veux dire, quand tu t'as acheté ça dans des endroits vraiment de gare, et que ça a été aussi... T'as les papilles qui ont explosé, c'est que quand même... Il y a du potentiel, les gars. Ouais, mais c'est ça. Et oui, mais je sais pas si c'est réducteur, parce qu'au final, de ce que j'ai lu des guides, c'est le cas, tu vois, manges vraiment très très bien, même dans les petites gargotes. Non, mais je veux bien le croire. Je veux... On a hâte de voir. Ouais, c'est ça. Là, on va bien se reposer, je pense. J'espère que ça va être qu'on a bien la réservation d'ailleurs, parce que qu'on a dû trouver un café avec un wifi pour réserver machin et tout. Ça a l'air très mignon. Ouais. Et on espère y rester un peu pour se reposer, puis pour se laver aussi. Non, mais c'est con, mais c'est important. Moi, j'ai pris une douche ce matin. Ah oui, c'est vrai. Dans le bateau. Pour il y avait des douches. Laver nos affaires aussi. Mais là, on sue un peu parce qu'on passe quand même un climat qui est chaud et humide. Oui, je pensais pas que si tard dans l'année, il fera encore un peu chaud et humide comme ça. Là, on est tout pigousse. Oui. Tout suant. Sexy. Ouais. Donc voilà. Petit temple au détour d'une rue, comme ça, un petit concert. C'est apaisant. C'est peut-être une secte. parce qu'il y a beaucoup de sectes shintoïstes par là. Il fait devant moi. On est dans un restaurant de yakitori. Ça a l'air trop chouette. C'est vraiment le restaurant typique japonais. On a eu la chance que quand on est rentré, il y avait deux étrangers, je ne sais pas ce que c'était, américains, qui sortaient et qui nous ont dit que c'était très bon et pas cher. Du coup, ça nous a encore plus encouragés à rentrer. Il y a un menu en anglais, ce qui est très agréable. Ouais, du coup, c'est vrai que ça facilite les choses. Il parle un petit peu anglais. Oui. Et c'est chouette d'être au milieu de la cuisine, enfin, autour de la cuisine, en fait, et pouvoir... Ouais, du coup, c'est un banc qui est autour de la cuisine, et tu vois la cuisson. J'ai hâte aussi. Et il y avait plein de trucs végétariens. Ouais. Parce qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de trucs à base de poulet. Mais on a pris des aubergines frites avec une espèce de pâte de soja dessus. Moi, l'oignon avec la même chose. Plutôt poivré et du riz. Ça pourrait être pas mal. Et de la bière. On perd nos bonnes habitudes. On s'est pris de la bière et de la vraie bière cette fois. On s'est pas trompé. On est sûr là. L'alcool est à consommer avec modération, on vous rappelle. Sauf quand on est malade. Enfin, un bon grog. Ouais, mais la bière, c'est pas. Il pourrait prendre du saké. Et encore, le saké, je sais même pas si c'est assez fort. Il y a de la liqueur de prune. C'est le méchou, non? C'est pas ça? Ah oui. Pour une autre fois, le méchou. Mais peut-être un hot saké pour bien nous achever là, pour aller dormir. Sinon, on n'a pas raconté notre auberge de jeunesse, du coup, quand on est arrivé devant. Ah mais oui. Donc c'est un système d'enregistrement automatique, enfin d'ouverture automatique, donc il faut envoyer un email, mais ils sont intelligents quand ils mettent le wifi du coup à disposition. Il faut envoyer un email avec ton numéro de réservation et ton nom, et ils t'envoient un lien qui te permet en fait quand tu appuies sur unlock, donc déverrouiller, d'ouvrir la porte quoi. C'est assez étonnant. C'est vrai que c'est le même système que les locations de voitures entre particuliers avec Drivey. On avait testé ça, je trouve ça assez fou en soi. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils s'excusent un peu du concept, mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour maintenir des prix qui sont si bas, ce que je comprends, hein, parce que du coup, tu as quelqu'un qui est là que le matin entre 9h et... voilà. Donc, bon, on peut pas tout savoir, mais c'est très très propre, genre extrêmement propre. Il y a des petites huiles essentielles, des petits trucs et tout. Et notre chambre est petite, mais confortable. Enfin, pas si petite que ça, au final. Enfin, non, bah, de quoi on a un petit lavabo personnel. C'est plutôt bien foutu. Ouais. On va voir si c'est pas trop bruyant, parce qu'apparemment, l'isolation n'a pas l'air ouf. Et sinon, on demandera peut-être demain à avoir une chambre genre à l'étage, s'il y a de la place. Enfin, ouais. Ce serait cool de rester là, parce qu'on avait dit qu'on se posait et qu'on bougeait pas tous les jours. Quoi, parce que sinon, c'est un peu chiant de refaire nos affaires, de recommencer et tout. Et puis surtout, c'est le truc le moins cher qu'on ait trouvé avec un bon rapport qualité-prix. Donc, ouais. Vraiment, le quartier est sympa. Quoi. Là, on va aller au restaurant. Bah, ça n'a pas l'air si touristique que ça. Ça a l'air assez typique pour le coup. Ouais, c'était chouette. Une petite ruelle, un petit magasin. Ouais, c'est mignon. Petit il fait une nuit très tôt hein, ici, du coup. Oui, à 17h. 17h30, ça. Ouais. C'était minuit. Enfin. Il faisait minuit. Voilà, bon, ouais. Allons à notre bière, trinquons. Allez, trinquons. Au Japon. C'est juste trop bon. C'est délicieux, vraiment. Pour l'instant, tout ce qu'on a bouffé au Japon dans la journée, y a pas à dire, le moindre truc est extraordinaire. C'est vrai que ce qui est chouette, du coup, genre chaque restaurant a sa spécialité. Donc, ce qui fait que t'attends quasiment pas. Bah, tu commandes et 5 minutes, ton plat il est préparé. C'est des choses assez rapides à faire, très saines en plus, ça c'est chouette. Ça nous change un peu de la friture ouais. végétarienne qu'on était un peu obligé de manger pour jusqu'à maintenant. Ça va faire du bien, je pense. Un peu de cuisine sophistiquée et saine, quoi, sans être hors de prix et sans être hyper compliqué, mais juste avec des bons arômes. Ça, quand tu le vois faire, le mec, c'est un... presque c'est un jongleur, quoi, un artiste. Il y a un truc dans les restos et les cafés, ils te donnent à chaque fois des serviettes qui ont été, je pense, mises à la vapeur, quoi. C'est des serviettes pour te rafraîchir, enfin, te nettoyer les mains. Mais elles sont toutes emballées, chaque fois, dans un plastique. Et on ne sait pas si c'est un plastique végétal ou pas. Enfin, je sais pas. Il y a peu de chance, quand même. Ouais, il y a peu de chance, c'est vrai. Mais c'est, a priori, c'est systématique hein, dans tous ouais, les restos. Alors, je pense que dans les restos un peu gastronomiques, c'est servi sur une assiette avec juste la serviette et tout ça. Mais comme là, on est dans un truc un peu genre pas fast food, mais un peu ouais, rapide. Tout à l'heure aussi, quand tu allais prendre un café, il nous a donné. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a que dans les restaurants un peu haut de gamme, tu vois, qui te sert ça. Donc c'est pas très zéro déchet tout ça. Et surtout, on sait pas si on les laisse. Est-ce que ça va être genre jeté ou est-ce que ça va être réutilisé vu qu'elles sont chaudes? Est-ce que, enfin, tu vois, je sais pas trop comment ça marche. Donc, pour l'instant, on ne sait pas.